Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. L'an dernier, à la même période, nous avons inauguré ensemble la première édition du Podcaston, plus grand rassemblement caritatif des podcasteurs et podcasteuses francophones avec plus de 300 animateurs, j'ai réussi à le dire sans me tromper. Nous voici de retour en mars 2024. L'année dernière, j'ai eu le bonheur et la joie d'accueillir l'association Artcœur, dont je vous invite à écouter l'épisode que vous trouverez en barre d'infos. Et pour notre épisode hors série de cette année, j'ai le très très grand plaisir d'accueillir Berthe Ewan, que vous avez pu découvrir il y a quelques épisodes de cela, dont vous trouverez aussi l'épisode en barre d'infos, qui est un artiste bientôt qui sait de renommée mondiale. Bonjour, bonsoir Berthe. Bonsoir. Comment vas-tu depuis ? Très bien, merci beaucoup. Ça me fait, je me répète, mais ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir et de te revoir. Pareillement, merci beaucoup. Ben, surtout qu'aujourd'hui, c'est un jour assez spécial parce que nous n'allons pas non pas parler de toi proprement dit, mais d'une association qui te tient particulièrement à cœur et qui va peut-être aussi nous tenir à cœur à la fin de cet épisode, qui s'appelle Macadam. Tout à fait. L'association Macadam est une association que j'ai fondée c'était en 2011. Oui. Pour tout te dire, c'était donc à la sortie de prison. J'ai eu l'occasion d'exposer dans une grande galerie. Oui. Du côté des Champs-Élysées, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Et quand les journalistes m'ont interviewé, ils me faisaient clairement comprendre que c'est génial ce qui t'arrive, toi, jeune, issu des quartiers, arriver dans ces beaux quartiers de Paris, être exposé, et en plus ton art plaît. Je me suis dit, mais mince, ils ne se rendent pas compte qu'il y a énormément de jeunes, plein de potentiel, et qui parfois ne savent pas qu'ils ont du talent. Mais ça pullule aussi bien dans les quartiers populaires que dans les zones rurales. Et j'ai donc eu l'idée de monter cette association pour aller devant ces jeunes et sortir tout le talent qu'ils ont en eux. Alors là, tu nous as fait un condensé, mais je suis curieuse parce que comment de cet événement et de cette réflexion, tu es passée à « Ah, peut-être que je pourrais en faire une association, ok, tu t'es dit ça, mais comment je vais m'y prendre ?» Enfin, quel a été le processus ? Comment ça s'est construit en toi, tout ça ? Eh bien, en même temps, j'avais envie de servir à quelque chose. Oui. Je me disais que j'aime le dessin depuis tout jeune. Quand j'étais gamin, j'aurais aimé avoir un cabu venir dans ma classe et rencontrer le jeune Berthe qui m'aurait donné de la force, qui m'aurait dit « c'est super, continue ». Aujourd'hui, c'est ce que je fais. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai voulu faire, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Et du coup, j'ai eu l'idée de monter cette association par souci de simplicité, en fait. Oui. Et du coup, je savais que les associations étaient vachement impliquées dans les écoles. Et donc, c'est comme ça que voilà, l'idée a germé. Pour revenir un petit peu en arrière, tu nous parles de Cabu. À titre personnel, j'ai la référence, mais est-ce que tu peux nous dire un peu de qui il s'agissait, puisqu'il n'est plus parmi nous aujourd'hui? Alors, Cabu était un grand dessinateur de BD qui s'est fait connaître parce qu'il dessinait dans une émission lorsqu'on était plus jeune qui s'appelait Le Club Dorothée. Oui. Et donc, qui est décédé lors des attentats de 2010. De Charlie Hebdo, entre autres. D'accord, et ça a été une source d'inspiration pour toi. Et du coup, tu as voulu en être une aussi pour les autres, hein? Alors oui, effectivement, quand on était gamin, je pense que toutes les personnes de ma génération, on a suivi le Club Dorothée, on a grandi avec les dessins de Cabu, et du coup, moi étant gamin, c'est ce que je me suis dit que j'aimais faire, que je voulais faire, devenir dessinateur. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a énormément de jeunes, plein de talents, et j'essaie d'aller devant eux et de leur expliquer déjà mon métier, de partager ma passion, et surtout de créer des vocations. Wow, c'est tellement joliment dit. Et est-ce que tu penses que c'est important finalement, quand on est enfant, d'avoir on parlait d'inspiration, mais un modèle, parce qu'en fait il s'agit de ça, devant nous, pour quelque part nous dire tu peux y arriver parce que moi je viens de là et regarde où j'en suis, donc tu peux aussi le faire, quitte à ce que je te prenne un peu par la main. Alors je dis que l'exemplarité, avoir un modèle, c'est primordial. Comme je dis souvent aux jeunes, malheureusement, quand moi j'étais jeune, je n'ai pas eu les modèles qu'il fallait. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles j'ai été dans un côté de la vie, dans le côté sombre de la force. Oui. Et d'autres, d'ailleurs, j'ai envie de dire, ont eu plus de chance. Ont eu des modèles avec un, je sais pas moi, un papa médecin, une maman avocate. Et donc, très tôt, on se dit, je veux faire comme papa. Ou en tout cas, je sais ce que c'est que le métier d'un tel. Et du coup, je pense que oui, servir de modèle ou avoir des modèles, c'est important. Moi qui viens des quartiers populaires, les modèles qu'on avait, c'était les footballeurs. Et du coup, des milliers de gamins de ma génération souhaitaient devenir footballeurs. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on est une autre génération. Aujourd'hui, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des garagistes, il y a en fait. Aussi vivre de nos passions. Tout à fait. Et justement, cette association maintenant existe depuis 2011, tu nous l'as dit. Ça se traduit comment concrètement? Est-ce que tu es seul? Tu es aidé? Est-ce qu'il y a des besoins? Quels sont les objectifs finalement? Quelles ont été les choses concrètes mises en place? Voilà. Alors, c'est bizarre parce que on est pas si aidé que ça. Je dirais même, j'ai un partenaire, deux partenaires principaux. Oui. Mon premier partenaire, c'est le ministère de la Justice. Parce que j'interviens énormément dans les prisons. J'interviens également dans les écoles, dans les quartiers, notamment les quartiers populaires, mais les zones rurales aussi, auprès des jeunes et aussi donc dans les écoles, je ne sais pas si je l'ai dit. Oui. Mon deuxième partenaire, c'est ADP, qui nous aide à travailler avec les jeunes. Mais c'est vrai que. Cette association est ouverte depuis 2011 Oui. et il n'y a que récemment que je travaille avec ce partenaire d'ADP. Et tout de suite, par contre, en 2011, j'ai eu le ministère de la Le Justice. ministre. Alors, ADP, c'est les aéroports de Paris qui nous ont aidés à trouver un local qui nous permet d'accueillir des jeunes et de faire des activités avec eux, des activités extrascolaires, des activités artistiques. Justement parce que tu parlais de tes interventions, mais en quoi consiste-t-elle? Alors, mes interventions, en fait, il y a plusieurs interventions au sein de Macadam. En ce qui me concerne, moi qui suis auteur de BD, j'interviens auprès de jeunes et je leur apprends à réaliser une planche de BD. Alors, on peut se dire, oh, c'est du dessin. En fait, ce n'est pas que ça. La BD, comme j'aime bien le dire, c'est un super pouvoir. Et surtout, ça passe par plusieurs étapes. Ça passe par trois étapes. Ça passe, parce que pour faire de la BD, bien sûr qu'il y a le dessin. Mais D'accord. avant le dessin, il y a de l'écriture. Avec ces jeunes qui sont plantés dans Internet, ils ne lisent plus. Plus d'imaginaire. En tout cas, ils ne font plus assez travailler leur imaginaire. Et du coup, j'explique que, bien sûr, que dans la BD, il y a le dessin. Avant ça, il y a l'écriture. Et avant ça, il y a tout ce travail de réflexion, de quoi on va parler. Et ce que je leur dis à ces jeunes, c'est qu'ils sont riches. Ils ont tout en eux. Il suffit simplement d'aller puiser. C'est beau et en plus dans ce que tu dis on se rend compte aussi parce que tu parles d'imagination. Pour avoir de l'imagination, il faut finalement observer son environnement, les gens qui nous entourent et soi-même, son intérieur aussi. Et tu le disais au début, ça va au-delà de la BD, oui, ça va bien au-delà. Tu leur donnes des outils peut-être qu'ils n'ont pas ou plus. Et ça, c'est super. Et est-ce que tu vois à travers tes interventions ou au fil du temps des changements concrets ou bien est-ce que tu perçois aussi des vocations? Ça t'est arrivé déjà? Ah mais clairement oui. Alors ce qu'il y a de génial, c'est qu'au départ, je suis là avec des jeunes, un groupe de jeunes, qui me dit, je ne sais pas dessiner, je ne sais pas écrire, et je n'y arriverai même pas. Alors je leur explique, vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider en ce qui concerne le dessin, mais tout le monde est capable de penser une histoire, surtout qu'on va aller chercher, parce que vous allez parler de vous en fait. Et du coup, vous êtes déjà riche, comme je l'ai dit tout à l'heure, il suffit simplement d'aller chercher les informations que vous avez déjà. Alors, au bout de quelques temps, chacun réussit à penser l'histoire, écrire l'histoire, et moi je leur donne des bases de dessin, et à la fin, ils sont super fiers. Et pour valoriser leur travail, Oui. avec les établissements avec lesquels nous travaillons, eh bien, on organise une exposition. Et j'ai déjà eu des gamins qui m'ont dit, ah non, Berthé, moi j'expose pas. Alors moi je leur dis, mais attends, mais pourquoi? Regarde, c'est génial ce que tu as fait. Et ces gamins qui me disent, je veux pas exposer parce que mon dessin est trop bien. si j'expose, on va me la voler. Et du coup, c'est là où je me rends compte que des gamins qui pensaient ne pas être capables, finalement, à force d'y croire, et surtout de ne rien lâcher, de travailler, ils ont été jusqu'au bout quand même, quelque chose de pas évident, surtout des gamins qui parfois n'ont jamais dessiné, et bien à la fin, ils sont hyper fiers. Et je leur dis, vous voyez, ben dans la vie, c'est comme ça que ça se passe. On pense ne pas être capable de suivre telle ou telle formation, de faire tel ou tel métier, mais avec de la volonté, avec du travail, il suffit de rien lâcher, et vous êtes capable de vous étonner vous-même. Tu es un très bon éducateur, en somme, de ce que tu décris. C'est, ça donne envie. Et tu as dit tout à l'heure que toi, tu t'occupais de cet axe, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres dans l'association. Tout à fait. Alors, en ce qui me concerne, donc, comme je disais, je propose des ateliers BD, mais je travaille aussi avec une journaliste, par exemple, qui aide les jeunes à recevoir les informations qu'ils trouvent sur Internet. Oui. Elle leur explique en gros que tout ce qui est dit, tout ce qui est écrit, il faut aller chercher l'information, il faut savoir découper l'information, et elle leur apprend aussi à écrire des nouvelles. Donc elle leur apprend quelque part à se forger un esprit critique et ne pas s'arrêter à ce qu'on nous donne et ne pas le prendre pour argent comptant, c'est ça? C'est carrément ça. Et surtout, elle leur apprend que tout le monde est capable en fait d'écrire. Tout le monde est capable d'être journaliste, parce que le journaliste aussi, on le voit comme une élite. Comme étant quelqu'un qui a fait des grandes études, etc. Bref, c'est pas possible pour nous qui venons de tel ou tel endroit du globe. Alors que non, tout le monde en est capable. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a ce truc qui fait que, à l'époque, les journalistes étaient, on va dire, tous du même bord. Oui. Aujourd'hui, c'est multiculturel, ça vient de partout, ça vient des banlieues, ça vient. Et du coup, voilà, ça peut créer des vocations. Et en gros, ça montre encore une fois que les jeunes sont capables d'être aussi bien demain journaliste que dessinateur, que juge, que chercheur, que tous les autres métiers. Ce que tu as dit, ça me ramène au fait que peu importe d'où on vient, d'où on parle, d'où on veut aller, on marche tous sur la même route, à savoir du macadam. Et c'est pour ça que je te demande d'où vient ce nom, macadam. Eh bien, ce nom, macadam, vient effectivement... de cet état d'esprit de la rue, en fait. Cet état d'esprit de la rue, ces jeunes qui souvent disent qu'ils ont grandi dans la rue ou qu'ils sont affiliés à la rue, eh bien, tout dépend le chemin qu'on a envie d'emprunter. Parce que du macadam, on peut aller, on va dire, sur la gauche et se retrouver dans des systèmes très compliqués. Mais on peut aller sur la droite et puis aller monter, gravir des montagnes. Comme toute association, j'imagine que ce n'est pas toujours évident en termes de moyens humains, de moyens financiers. Là, on sent vraiment la passion qui t'anime quand tu parles. On sent vraiment que c'est ton cœur, que tu as un cœur tourné vers ces jeunes et le but que tu t'étais fixé à l'origine. Alors, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'on pourrait déjà vous souhaiter, mais surtout, comment est-ce qu'on pourrait vous aider si on en a envie? Alors... ce qu'on peut nous souhaiter déjà, c'est que cette association puisse perdurer. On souhaite être accompagné, évidemment. Et malheureusement, c'est toujours la même chose. Hein. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Oui. Ce qui nous permet en fait, de mener des activités avec les jeunes, de pouvoir rémunérer des personnes, de pouvoir ne serait-ce que payer une personne qui sera capable de nous faire un site. Ce sont des choses simples, mais ce sont des choses en même temps très compliquées pour nous. Si jamais des gens se sentent touchés, qu'ils veulent donner ou aider, s'ils veulent donner, bien sûr, chers auditeurs, c'est comme l'année dernière, vous pouvez vous rendre sur le lien du podcaston que vous trouverez en barre d'infos. Vous pourrez aussi aller visiter la page Instagram de Macadam parce que vous en avez une. Vous ne pourrez malheureusement pas aller sur le site parce qu'on parlait de moyens humains et il me semble que s'il y a des bonnes âmes qui veulent vous aider à monter un site, vous en auriez aussi besoin. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut faire concrètement? Où est-ce qu'on doit se rendre sur la page Instagram? On doit te contacter? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Alors, vous pouvez nous envoyer un mail sur asso. Macadam avec un K et sans E, @gmail.com. Et puis sinon, vous pouvez aussi nous contacter via Instagram, c'est Asso Macadam. Asso Macadam, j'espère que vous avez bien noté. Si vous ne l'avez pas fait, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, vous trouverez tous les éléments en barre d'infos. C'était un plaisir de découvrir avec toi cette association. J'ai l'impression de voir les yeux des jeunes briller à travers les tiens, parce que les gens ne te voient pas, mais moi je vois les tiens. Et encore une fois, on sent que ça t'anime et c'est communicatif. Et c'est tellement important parce que, oui, la jeunesse, c'est notre avenir, c'est l'avenir... de notre monde, sans vouloir être trop pesante, parce que c'est le cas, ce sont eux les adultes de demain, et ce sont eux qui porteront le monde à leur tour, et qui leur donneront une direction, donc on a besoin de gens qui s'en soucient, on a besoin de gens qui veulent les éveiller, les faire sortir des écrans, des carcans de certains modes de pensée, et c'est super qu'il y ait ce type d'association, et je t'en remercie à titre personnel. J'espère que vous vous sentirez poussés, chers auditeurs, d'aller découvrir un peu plus et pourquoi pas de vouloir participer à cette grande aventure. Merci en tout cas, Berthéwan. Merci à vous. Tu n'hésites pas à revenir, soit pour nous faire un retour, des milliers de dons que vous aurez reçus, ou même à titre personnel, ce sera toujours un plaisir de te recevoir dans cette émission. C'est gentil, merci beaucoup. Bah, écoute, je te souhaite à toi et l'association une très belle suite et de prospérer encore et encore et d'aller toujours plus loin. Mais d'ici là, prends soin de toi. Merci. Prends soin de toutes ces personnes que tu rencontres et dont je suis sûre tu changes la vie pour certains. Je te dis à très vite. À bientôt, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur.